on en apprend sur les pieuvres et plus elles nous surprennent. Unique parmi les invertébrés pour son intelligence et ses incroyables facultés adaptatives, le cerveau de la pieuvre compte plus de neurones qu'une souris. Elles sont capables d'apprendre, d'utiliser des outils, voire de jouer. Après avoir été longtemps considérée comme solitaire, une cité des pieuvres basée au Atlantis a récemment été découverte au large des côtes d'Australie. Autant de facultés surprenantes qui ont conduit Théodore Monod à estimer qu'après le règne des humains, la prochaine espèce à dominer notre planète pourrait bien être les céphalopodes. Pieuvre, un animal qui fait couler beaucoup d'encre, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire le tour de nos connaissances et des surprenantes aptitudes et caractéristiques de nos amis les poulpes, eh bien nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Catherine Vadon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes biologiste, océanographe et maître de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle, auteur de Pieuvres, sèches, calmars, de captivantes créatures aux éditions Belin. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos confrères de France Bleu Normandie à Caen avec Ludovic Dickel. Bonjour. Bonjour. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes éthologue, professeur en biologie comportementale à l'Université de Caen. Vous pouvez suivre notre émission comme chaque jour sur les ondes, sur France Culture et en direct sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Alors faisons, si vous le voulez bien, pour commencer un peu de taxonomie et de phylogénétique. Depuis le début de cette émission, j'ai parlé de pieuvres, de poulpes, de céphalopodes. Est-ce que vous pouvez nous mettre un peu d'ordre dans tout ça, Catherine Vadon ? Alors d'abord, il s'agit d'un mollusque, si on remonte voilà très loin dans la classification. Il s'agit d'un céphalopode, c'est-à-dire que le pied de ces mollusques est divisé en bras qui entourent la tête, qui entourent la bouche. Et alors on connaît beaucoup de formes fossiles, puisque ce sont l'énorme monde des ammonites, qu'on retrouve calcifié un petit peu partout sur la planète, et un certain nombre donc d'espèces vivantes qui sont réparties. D'abord, si on cite les cousins des pieuvres, on a bien sûr les nautiles, que l'on trouve en particulier au large de la Nouvelle-Calédonie, et qui, comme les ammonites, ont une coquille externe et calcifiée. Ensuite, parmi les autres cousins, on a les sèches. Alors là, la coquille est légèrement calcifié et interne, c'est ce qu'on appelle l'os de sèche. Ensuite, on a les calmars qui sont encore moins calcifiés, qui ont ce qu'on appelle une plume à l'intérieur, en chitine. Et on arrive donc enfin à nos pieuvres qui n'ont plus de coquilles ou quelques rudiments pour certaines espèces et qui ont 8 bras et qui s'appellent donc octopus. Pieuvre, poulpe, en revanche, c'est exactement la même chose. Il y a combien d'espèces aujourd'hui à peu près recensées, Ludovic Dickel ? On parle de 700 espèces de céphalopodes actuellement. Et au niveau des comportements, pour compléter ce que disait ma collègue, on a la chance d'avoir affaire à une très très grande variété d'espèces qui varient dans leur mode de vie. Certaines vivent près du fond, d'autres vivent dans la colonne d'eau, d'autres encore vivent proche de la surface. Et dans leur mode de vie aussi, les pieuvres sont considérées ou étaient jusqu'à présent considérées comme solitaires, ce qui est intéressant pour nous. Les calmars étant plutôt sociales, les calmars vivent en groupe. Et les sèches, on ne sait pas trop, elles sont sans doute un petit peu entre les deux. Donc c'est très intéressant de comparer ces espèces. Si on remonte, vous l'avez fait un peu Catherine Vadon, dans l'histoire de l'évolution, ce sont des espèces dont le plus vieil ancêtre commun est très très ancien. Oui, là on compte en centaines de millions d'années. 400-500 millions d'années à peu près. Voilà, 500 millions d'années à peu près. Donc pendant toute cette période, eh bien ils ont évolué et effectivement ils se sont adaptés à, pour ce qui est des pieuvres, vraiment à tous les milieux, puisqu'on les trouve en Antarctique, on les trouve en eau tempérée, on les trouve en eau tropicale et équatoriale. Et donc ils ont développé des adaptations capables, voilà, pour s'adapter à tous ces milieux si différents. Ça a été longtemps, Ludovic Dickel, les seuls occupants des mers, en tout cas, bah, ils sont arrivés évidemment, naturellement, bien avant les vertébrés. Et c'est cette faculté adaptative qui donne aujourd'hui un si grand nombre d'espèces. Il y a une très très grande variété, probablement en relation avec la variété des milieux dans lesquels les différents individus ont évolué. On en a des traces qui sont extrêmement anciennes. Il y a probablement de nombreuses espèces qui devaient vivre avec les céphalopodes, évidemment. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sont des animaux qui ont évolué en même temps que des espèces et qui se sont adaptés à manger des espèces qui sont plus intelligentes ou plus classées, un petit peu plus, qui sont censées être un petit peu plus sophistiquées, comme les poissons par exemple, et puis beaucoup plus tard les mammifères. Donc sont des animaux qui vont chasser, sont des invertébrés qui vont chasser et qui vont se nourrir de vertébrés. Donc il faut qu'elles soient un petit peu compétitives hein, par rapport aux vertébrés. Et puis sont des animaux qui sont chassés aussi par des vertébrés. Et puis récemment qui ont été chassés par des mammifères. Donc là aussi il y a une sorte de course aux armements qui est intervenu au cours de l'évolution, qui a fait que ces animaux sont devenus effectivement assez intelligents, assez performants. Catherine Vadon, vous diriez qu'une des clés, hein, on va étudier cette intelligence surprenante des céphalopodes qui en fait les invertébrés, les seuls invertébrés avec une intelligence en tout cas un peu structurée, pourrait-on dire. Vous pensez que cette grande période d'évolution, d'adaptation est une des clés de la compréhension de cette intelligence des pieuvres au premier chef et des céphalopodes de façon plus large? C'est une durée de temps qui est absolument gigantesque, puisqu'on parle de millions d'années, et c'est pendant toute cette période que les adaptations, comme dit mon collègue, c'est la course aux armements, puisque c'est toujours mieux se défendre, et pour les prédateurs être plus performants, et les proies pour mieux se défendre. Donc un très bel exemple de cette extraordinaire adaptation des pieuvres, c'est la faculté. Alors si on résume déjà un petit peu les différentes caractéristiques de la pieuvre, c'est son côté caoutchouc qui est absolument extraordinaire, qui lui permet mais vraiment de se couler, de rentrer dans un... quelquefois dans des volumes dont on n'aurait pas pensé qu'elle puisse rentrer. Donc c'est ce côté caoutchouteux absolument incroyable. On va l'entendre dans quelques secondes dans le reportage que nous sommes allés faire. Voilà, il y a la faculté de changer et de couleur et de texture de peau, mais vraiment en un claquement de doigts, c'est en un éclair. Voilà, la grande intelligence, la capacité de mémoriser et de s'adapter, de se construire des tanières en se bouchant l'entrée là, du repère. Voilà, beaucoup sont carnivores, mais... Est-ce que toutes les espèces sont carnivores? Alors, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est la connaissance croissante des espèces des grandes profondeurs. Et on s'aperçoit qu'elles ne sont pas vraiment carnivores de la même façon, je dirais, que les espèces plus littorales, mais qu'elles déploient des espèces de pièges, des cires, toutes sortes de d'outils pour trouver les proies dans le noir absolu. On va faire le recensement hein, de ces différentes formes d'intelligence, de facultés cognitives des pieuvres en particulier, mais un mot, Ludovic Dickel, est-ce qu'on peut comparer justement ces facultés cognitives des pieuvres avec leur couleur, que ce soit les sèches ou les calmars? Entre les pieuvres, les sèches et les calmars, il y a vraiment des différences de mode de vie qui sont importantes. C'est-à-dire qu'effectivement, comme le disait ma collègue, il y a des changements de couleur qui interviennent, il y a beaucoup de spécificités chez ces espèces, d'énormes cerveaux. Mais les facultés, les capacités des animaux sont en relation avec leur mode de vie. Pour les calmars qui sont sociaux, par exemple, les changements de couleur vont être utilisés beaucoup pour la communication, alors que chez la sèche ou chez la pieuvre, les changements de couleur vont être surtout utilisés pour imiter le substrat sur lequel l'animal repose. Mais il y a une petite invention aussi qu'on n'a pas, je pense, mentionnée des céphalopodes, qui est quand même la ventouse. C'est un des armements les plus efficaces et un des organes les plus sophistiqués, les plus spectaculaires de ce groupe. Et puis on va voir justement que la ventouse est un outil à double tranchant et que pour ne pas s'emmêler les bras quand on a des ventouses, il faut bien reconnaître le soi du non-soi et que ça fait certainement partie de l'une des facultés cognitives des pieuvres. Mais avant cela, eh bien le mieux c'est encore d'aller les observer, d'aller les voir. Ces pieuvres, bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Voilà, vous êtes rendu au Palais de la Découverte pour donner à manger à un joli poulpe dont vous êtes tombée secrètement amoureuse. Oui, parce qu'il était est surtout très intelligent. Alors, on lui donne à manger, mais surtout, on le met à l'épreuve pour tester sa faculté d'adaptation. J'ai retrouvé Philippe Lalèvre, il est médiateur scientifique, et il m'a convié pour un entraînement avec ce poulpe, un poulpe âgé de 4 mois, qui, en une semaine seulement, a appris à récupérer un crabe dans son aquarium. Un exercice pas si simple quand on lui impose plusieurs niveaux de difficulté. Dans l'aquarium qui est devant vous, vous avez un poulpe. Un petit poulpe, vous voyez qu'il n'est pas très, il est pas très gros. Il doit avoir 4 mois d'âge peut-être. Il doit faire une vingtaine de centimètres de l'extrémité d'un bras à l'extrémité d'un autre bras. Et donc il va attraper sa nourriture. Alors, qu'est-ce que ça mange un poulpe? Mais les poulpes sont des animaux qui sont carnivores. Donc ils mangent des crabes, des crevettes, des crustacés, des poissons, ça leur arrive. Des coquillages, comme des coquilles Saint-Jacques. En tout cas, ici, il va manger un crabe. Alors, le dispositif qui va être mis en place, c'est donc un crabe, mais le crabe ne va pas être dans l'aquarium, le crabe va être dans un bocal qui est transparent et qui va être bouché par un bouchon. Et ça va être au poulpe de tirer sur le bouchon pour attraper le crabe. Et pour accéder au bocal, il va devoir passer dans un trou qui fait quoi, 10 cm de diamètre. Est-ce que le poulpe a un squelette? Non, le poulpe, c'est un mollusque, il n'a pas de squelette, donc il va pouvoir s'aplatir, s'étirer. La seule chose que le poulpe ne peut pas faire, c'est que le poulpe a un cerveau et le cerveau se trouve entre les yeux du poulpe. Et le poulpe ne peut pas rapprocher ses yeux. S'il rapproche ses yeux, il va comprimer son cerveau et il ne le fera pas. Et de toute façon, le cerveau est recouvert d'une sorte de capsule qui l'empêche de pouvoir rapprocher les yeux. Et puis aussi, le poulpe, quand il attrape sa nourriture, il va déchiqueter sa nourriture avec ce qu'on appelle un bec, qui est constitué de 2 mâchoires. Ça ressemble un petit peu à un bec d'oiseau, et là le bec il est solide, le poulpe ne peut pas écraser son bec. Ça fait office de dents pour mâcher sa nourriture. Le poulpe a une petite langue râpeuse avec des dents minuscules qu'on appelle la radula. Et avec ça il va pouvoir continuer à découper sa nourriture. Bon, on va mettre le dispositif en place. Alors, ce qui est important de voir, c'est que le poulpe a, je vous parlais d'un cerveau, qui contient les 500 millions de neurones, ça c'est l'œil. Un œil, il y en a un autre de l'autre côté, et au milieu, là où il y a mon doigt, le cerveau serait là. Avec le tube digestif qui passe au milieu du cerveau, une fantaisie. Alors, il y a aussi un petit cerveau élémentaire par bras. Alors ici, on est un peu dans la cuisine où on stocke les aliments du poulpe. Ici, on est dans le local dans lequel sont stockés vifs des crabes, puis un aquarium dans lequel on fait parfois l'apprentissage du poulpe. Avant qu'il soit présenté au public. Et bien, étant donné que le poulpe n'est pas gros, je vais essayer de prendre un petit crabe pour pas qu'il soit blessé. Donc là, vous le placez dans un petit bocal? Je vais le placer dans le bocal, oui. On va mettre de l'eau dans le bocal, fermer le bocal avec le bouchon, placer la paroi, regardez, c'est cette paroi avec ce trou et la pieuvre va devoir passer dans ce trou. Est-ce que la pieuvre va reconnaître qu'il y a de la nourriture de l'autre côté de la paroi? La pieuvre, très vite, elle apprend que lorsqu'il y a une personne qui vient ici, avec le bocal, elle sait qu'elle... Elle sait qu'elle va manger. Oui, vous allez voir... Voilà. C'est très vif. Ah oui, oui. Alors, elle vient d'arriver, elle s'est plaquée contre la paroi. Il faut qu'elle passe par le trou. Vous avez peut-être voir ce fameux tuyau. Alors, regardez, elle monte. Alors, ce qu'elle peut essayer de faire, ce qu'elle peut faire, hein, c'est passer par-dessus la paroi. Ça lui arrive. Elle sort, comme ça elle enjambe la paroi, puis elle redescend dans l'aquarium. Elle peut passer aussi dessous, en soulevant la paroi. Elle soulève un peu la paroi, et avec son siphon... Ah bah regardez, là, elle est en train de passer, je ne sais pas si vous la voyez. Les yeux sont passés, quand les yeux sont passés, tout le reste passe. Elle arrive sur le bocal. Donc la pieuvre apprend, la preuve. Et apprendre, ça sert à acquérir de l'expérience. Donc là, elle est en train d'enrouler le couvercle. Elle a renversé le bocal. Oui, en fait, elle a attrapé le bocal. Je vois que le bocal est vide. J'ai l'impression que le crabe était au fond du bocal. Elle a dû attraper sa proie et l'a portée au niveau de sa bouche. La bouche se trouve au centre des 8 bras. Et alors, la pieuvre, c'est un animal qui est sédentaire, casanier. Et quand elle a attrapé une proie, en tout cas, elle préfère aller manger chez elle. Donc parfois, ici, ce qu'on voit, c'est que la pieuvre, elle embarque le crabe plus le bocal. Et elle essaye de repasser par le trou pour aller dans son refuge, qui se trouve de l'autre côté de la paroi. Et le problème, c'est que le crabe est déjà un peu grand, et puis le bocal, il est franchement trop grand. Donc, eh bien, on va voir ce que fait la pieuvre. Là, on vient de voir qu'elle a retraversé l'ouverture et s'est cachée dans les rochers. Oui, exactement. Les poulpes sont des animaux qui ont un refuge, qui s'éloignent de leur refuge, mais qui aiment bien retourner chez eux. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Il a attrapé le crabe, il est repassé par l'obstacle, le trou, et maintenant il est caché, il va déguster sa proie. Il va mettre du temps donc, pour la digérer, 1h30 à peu près. Et donc le crabe va rester collé sur sa bouche pendant à peu près 1h30. À ce moment-là, on peut dire qu'elle a injecté son produit, son venin. Si le crabe ne bouge plus, bon, le venin est très efficace. Donc ça veut dire qu'il est mort. Bon, il peut bouger un peu parce que c'est la pieuvre qui le fait bouger, mais c'est tout. Bah là, il faut attendre. Ça dure entre 5 minutes et 1 heure. Hein. Et ce que vous avez vu, en tout cas, c'est appris en 7 jours. Voilà, une pieuvre à l'œuvre qui apprend toute seule, non seulement à passer, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Catherine Vadon, dans un minuscule espace, mais en plus à ouvrir un bocal toute seule pour pouvoir avoir accès à sa nourriture. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Catherine Vadon ? Mais oui, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Quand on voit que les pieuvres sont capables de dévisser aussi le couvercle en jouant des ventouses et de reconnaître des formes aussi, de pouvoir se retrouver dans des situations similaires avec par des jeux de formes, de carrés, de losanges, etc. C'est vrai que c'est absolument fascinant, mais c'est vrai aussi que quand on regarde quand on les observe en plongée, quand on voit le comportement des pieuvres en milieu littoral ou récifal, on est vraiment subjugué aussi par l'adaptation du mode de chasse en fonction de la circonstance. C'est-à-dire un exemple ? Bien, par exemple, alors c'est vrai que les pieuvres raffolent de crabes. Ça, c'est vraiment leur nourriture préférée. Et si elles repèrent un crabe qui va se déplacer sur le fond, eh bien, elles vont monter dans la colonne d'eau, monter légèrement, elles vont déployer leurs bras et en fait, recouvrir, comme avec un parachute, le crabe. Et une fois que le crabe va être recouvert, elles vont replier leurs bras, vont effectivement coller les ventouses, mordre avec le bec, et ça sera terminé pour le crabe qui finira dans la tanière. Ou alors, là aussi, en milieu corallien, il leur arrive aussi de... Alors, les pieuvres ont un territoire de chasse. Eh bien, ça leur arrive de progresser sur leur territoire de chasse en se positionnant par exemple sur une tête de corail et là aussi en jouant au parachute et elles vont tâter en fait toute la surface qu'elles recouvrent pour voir si elles n'auraient pas trouvé une proie. Mmh. Et comme ça, tout le long du territoire de chasse, c'est très très intéressant. Alors certaines espèces en particulier que l'on trouve sur des fonds sableux dans le détroit de Lambay en Indonésie vivent sur des surfaces de sable nues. Donc c'est très dangereux de balader, de chercher ses proies sur un terrain sans abri. Eh bien, elles vont aller récupérer des valves de bivalves vides. Et donc, elles vont s'en faire un abri. Et donc, elles vont se protéger à l'intérieur. Elles vont se positionner, par exemple, si elles trouvent une double valve, eh bien, elles vont se positionner dessus. Elles vont mettre leurs ventouses, coller les ventouses sur les valves. Elles vont, si j'ose dire, remonter les bras pour s'enfermer dedans. Pareil avec des demi-noix de coco qu'elles arrivent à rejeter par les humains et qu'elles arrivent à trouver et elles vont se camoufler dessous. Donc là, c'est vraiment l'utilisation d'un outil. Ce que vous décrivez, voilà. C'est l'outillage. Voilà. Mmh. Et si par chance elles arrivent à trouver deux morceaux de noix de coco, eh bien elles vont tâcher de les... Si elles sont de la même taille, elles vont aller jusqu'à trouver deux morceaux de noix de coco de la même taille, et elles vont se refermer dedans et se couler dedans. Et ça sera leur abri. Et depuis la noix de coco, eh bien elles vont guetter l'arrivée d'une proie sur l'étendue de sable, et elles vont bondir quand le poisson passera. Ludovic Dickel, une réaction aussi à ce que vous avez entendu et effectivement à cette faculté adaptative, à cette faculté de mémorisation, de compréhension des pieuvres qu'on vient d'entendre en aquarium, qui pose une question centrale et j'aimerais qu'on arrive à cela, c'est la question de l'inné, de l'intelligence innée ou acquise chez les pieuvres. Alors c'est extrêmement illustrant ce petit reportage. Il y a trois choses qui sont extrêmement intéressantes pour nous. Moi je fais de l'éthologie cognitive, c'est-à-dire on s'intéresse à l'intelligence vraiment de l'animal. Alors il y a trois choses qu'on peut relever ici. La première concerne le passage des pieuvres dans des interstices. Donc lorsque vous devez passer dans un espace qui correspond à votre encombrement, ça nécessite le fait que vous êtes obligé de construire une certaine forme de représentation de vous-même pour savoir si vous passez ou pas avant d'essayer. Et ça fait partie des questions qu'on se pose. Est-ce que l'animal a une certaine forme de conscience de lui? Donc c'est ce type de comportement est extrêmement intéressant pour nous. Le deuxième comportement qui est très chargé au niveau de l'intelligence de l'animal, c'est comment fait-il pour retrouver le trou dans lequel il habite? Donc expérimentalement en laboratoire, on peut essayer de le questionner à ce sujet-là en essayant de savoir si par exemple il va utiliser des stratégies de type je tourne à droite, je tourne à gauche, ou est-ce qu'il va utiliser des objets de son environnement. Et on a montré que, au moins chez la sèche, mais la pieuvre fait sans doute la même chose, les animaux sont capables d'utiliser une information que nous ne sommes pas capables de détecter nous-mêmes, c'est ce qu'on appelle la polarisation de la lumière. Les pieuvres peuvent détecter l'angle de polarisation de la lumière et peuvent se servir de l'angle de polarisation de la lumière pour retrouver un endroit qu'ils connaissent. Donc ça, c'est la deuxième chose qui nous intéresse. Et le troisième événement est un événement, alors je veux pas casser un petit peu le mythe, mais c'est la fameuse ouverture du bocal. Alors c'est quelque chose qui est connu depuis Jacques-Yves Cousteau et sans doute avant lui. J'ai fait quelques expériences d'ouverture de bocal et on se rend compte que une pieuvre qui est face à un bocal va ouvrir le bocal de façon quasiment automatique. Dès que vous la placez devant un objet qui est composé de deux parties qui sont indépendantes l'une de l'autre, l'animal va tirer dessus et de toute façon va l'ouvrir. Deux tubes en plastique ou deux Legos vont être écartés par une pieuvre. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment inné. Ce qui est d'un petit peu plus acquis et ce qui est appris par l'animal, et on en a fait l'expérience quand j'ai travaillé à Naples avec le Graziano Fiorito sur ses comportements, c'est l'aspect procédural. C'est-à-dire que l'animal va ouvrir un bocal pour aller chercher un crabe ou pas, d'ailleurs, hein, vous mettez un bocal vide, l'animal va ouvrir le bocal quand même. Il va apprendre à ouvrir le bocal, mais va apprendre à l'ouvrir de plus en plus rapidement. Comme nous apprenons à faire du vélo sans y penser, c'est ce qu'on appelle un savoir, une connaissance procédurale, et on s'intéresse à ces mécanismes procéduraux chez la pieuvre. Et puis, avec l'entraînement, comme le disait ma collègue, au bout d'un moment, les pieuvres vont être capables même de dévisser un bouchon de bocal, mais il y a une partie d'inné, une partie d'acquis là-dedans, c'est pas que de l'appris. La question que je posais vis-à-vis de l'inné et de l'acquis, c'était peut-être faut-il la corréler, Catherine Vadon, au mode de reproduction des pieuvres, parce qu'il y a une question qui reste en suspens. Si vous nous expliquez en quelques mots la méthode de reproduction, en tout cas la naissance des bébés pieuvres, ces bébés pieuvres ne sont pas élevés, sont confrontés finalement au monde extérieur sans parents. Alors, chez les pieuvres, il y a des mâles et des femelles, voilà, et chez le mâle, un bras va être transformé, adapté pour la reproduction, on appelle l'ectocotyle. Et donc ce bras, la fécondation est interne, donc le bras, l'ectocotyle, va pouvoir transférer les spermatozoïdes du mâle dans des espèces de capsules à l'intérieur de la cavité paléale de la femelle. Et une fois la fécondation réalisée, eh bien, la femelle va pondre ses œufs, elle va les installer dans un coin, dans un abri, par exemple, au plafond d'une grotte, voilà, et les œufs sont riches en vitellus, en substances nutritives, et le petit va donc naître, éclore, sortir de l'œuf, et voilà, et se débrouiller après dans le milieu marin. Mais il n'y a pas de supervision, il n'y a pas d'apprentissage. Il n'y a pas d'apprentissage. La mini pieuvre va devoir effectivement être autonome dans son milieu. Souvent, la mère, Ludovic Dickel, d'ailleurs, décède après avoir pondu ses œufs. Elle est quasiment programmée génétiquement pour s'épuiser à la ponte. Oui, chez la sèche, c'est sûr. Chez la pieuvre aussi, c'est une espèce qui est semelle par. C'est-à-dire que les générations se succèdent, hein, sans se chevaucher. Mais ce qu'on travaille beaucoup au laboratoire sur ces phénomènes d'inné et d'acquis. Et quand on voit la perfection des comportements des nouveau-nés, notamment pour attraper des proies ou pour se cacher de prédateurs, pour éviter des prédateurs, on se questionne beaucoup sur ce qui peut les influencer. Est-ce que c'est vraiment génétique ou est-ce que c'est complètement inné, cette reconnaissance des proies, ou est-ce qu'il y a une partie d'acquis dedans? Alors on travaille sur la sèche ici à Caen, et on a montré que les comportements sont pas si innés que ça. sont pas si génétiquement programmés que ça. On a montré que l'influence de l'expérience de l'embryon dans l'œuf allait modifier les comportements du nouveau-né après la naissance. C'est-à-dire par exemple? Bah par exemple, sur la sèche, un des travaux qui a été fait au laboratoire, où les sèches vont se mettre spontanément à aller capturer des crevettes après la naissance. Et si on les familiarise dans l'œuf, donc si on familiarise les embryons à la vue des crabes, on met des crabes autour des œufs, bah on va se rendre compte que ces petits nouveau-nés vont se mettre à se capturer des crabes et à préférer les crabes aux crevettes. C'est-à-dire donc, un apprentissage à travers la membrane transparente de l'œuf. Voilà. Donc l'animal est finalement dans l'œuf. L'animal est. On a montré qu'il était un petit peu à l'école. Donc c'est une éponge qui va s'imbiber des informations qui lui parviennent sur l'environnement dans lequel il va éclore. Et puis c'est un animal qui va adapter ses colorations à la naissance, qui va adapter ses comportements de façon très fine, en correspondance avec l'expérience qu'il a eue dans l'œuf. Catherine Vadon. Ce qui est, encore une fois, par rapport à des observations de terrain en milieu récifal, ce qui est très troublant, enfin très fascinant, je dirais, c'est deux choses. D'abord, c'est encore une fois la rapidité du changement de couleur et de texture de la pieuvre. C'est-à-dire qu'on la voit, par exemple, on voit une pieuvre, bon, elle nage à réaction avec son entonnoir en éjectant de l'eau à l'extérieur de son corps. Et quand on la voit progresser au-dessus d'un fond corallien, elle va passer sur du sable, elle va être instantanément de la couleur du sable. Elle va passer sur un fond rocheux, c'est instantanément elle va prendre une couleur un peu plus brune, etc. Mais c'est instantané. Ça veut dire que la reconnaissance visuelle, elle est immédiate et que le retour par rapport à son cerveau se fait là aussi une fraction de seconde. Ça, c'est absolument fascinant. De même pour la texture. La pieuvre a souvent des espèces de pustules sur elle. Elle peut devenir presque lisse. Elle peut mettre en saillie complètement ses pustules, mais là aussi instantanément. Et ce qui est là aussi une autre caractéristique, c'est son jet d'encre. C'est-à-dire qu'elle va, en cas de danger, évacuer un mélange de mucus et d'encre rempli de grains de mélanine, très colorant, qui va faire écran, qui va pas se dissiper très vite, mais qui va faire écran le temps qu'elle puisse fuir. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on observe que l'encre peut former ce qu'on appelle des pseudo-formes. C'est-à-dire, et là c'est absolument sidérant, c'est-à-dire que le nuage d'encre va prendre à peu près la dimension, la taille du prédateur, et en gros, quelque part, sa forme. Ce qui veut dire là aussi une reconnaissance immédiate à l'œil des proportions de son prédateur. Et on va voir que ses capacités sont certainement corrélées là aussi à la structure du cerveau de la pieuvre dont on parle dans un instant. La méthode scientifique, Nicolas Martin. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. Be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know. In an octopus's garden in the shade. would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden with you. Les Beatles à 16h30 sur France Culture, Octopus Garden, puisque nous parlons des pieuvres tout au long de cette heure en compagnie de Catherine Vadon, qui est biologiste, océanographe et maître de conférences au Muséum National d'Histoire Naturelle et en duplex depuis les studios de nos collègues de France Bleu Normandie à Caen, avec Ludovic Dickel, qui est éthologue, professeur en biologie comportementale à l'Université de Caen. Alors nous parlons depuis tout à l'heure de l'intelligence des céphalopodes en général et des pieuvres en particulier. Vous venez de dire avant les Beatles, Catherine Vadon, qu'effectivement, une grande partie de l'intelligence est une intelligence environnementale, réactionnelle à l'environnement. En effet, Ludovic Dickel, quand on étudie le cerveau des pieuvres, on voit que un certain nombre de neurones du cerveau, alors on va parler du système nerveux central et décentralisé, mais dans le système nerveux central, un grand nombre de neurones est associé à la vision, précisément. Oui, alors le cerveau est d'abord énorme, hein. C'est entre 300 et 500 millions de neurones, hein. C'est à comparer aux 900 000 neurones du cerveau d'une abeille, hein, quand on voit tout ce qui est capable de faire une abeille. Ou 80 millions de neurones du rat, par exemple, donc ça veut dire que le cerveau d'une pieuvre a plus de neurones que celui d'un rongeur. Oui, pour le rat, c'est au niveau du cortex, mais c'est sans doute c'est quelque chose d'absolument remarquable, tout à fait comparable à ce qu'on trouve chez beaucoup de vertébrés d'ailleurs, hein, y compris des oiseaux. Donc il y a 40 lobes au niveau du cerveau. Il y a une partie centrale qui est très très bien organisée, qui est très bien hiérarchisée, et sur le côté, il y a deux très très gros lobes qui flanquent la partie centrale, qu'on appelle les lobes optiques, mm-hmm. qui font deux tiers en nombre de cellules, qui font deux tiers de la masse du cerveau, et qui sont chargés d'intégrer les informations visuelles, donc les comportements visuels, les stimulations visuelles, parviennent dans ces lobes-là, ce qui laisse à penser qu'effectivement les informations visuelles sont particulièrement importantes chez ces espèces. On connaît aussi la nature de la vue des pieuvres, et un fait étrange, c'est que a priori, on est à peu près sûr aujourd'hui, vous m'arrêtez si je me trompe, Ludovic Dickel, mais que les pieuvres en particulier, les céphalopodes en général, ne distinguent pas les couleurs. Non, ça a été montré. Enfin, il a été montré. Pour l'instant, on pense qu'elles voient en noir et blanc. Il y a différentes évidences qui semblent montrer qu'elles voient en noir et blanc. Elles n'ont qu'un seul pigment dans la rétine. Et donc, on a toujours pensé ça, mais il y a un travail récent de physiciens américains qui ont montré que potentiellement, l'œil des céphalopodes, et particulièrement la pupille, qui a une forme en W qui est tout à fait caractéristique, permettrait aux céphalopodes de percevoir différentes couleurs en fonction de la mise au point de l'efficacité de la mise au point de différents objets sur la rétine. Mmh. Alors ils en ont fait la démonstration physique. Alors c'est extraordinaire parce que c'est une autre façon de voir les couleurs que les céphalopodes auraient développées par rapport aux vertébrés, par rapport à nous. Mais potentiellement, ça pourrait expliquer notamment pourquoi certains céphalopodes sont capables d'imiter des massifs coralliens qui sont colorés en voyant en noir et blanc. Parce que l'étude à laquelle je me référais est une étude beaucoup plus ancienne, hein, qui date des années 80, et qui était une étude sur la sèche qui était mise sur des damiers jaunes et bleus avec la même intensité lumineuse dans les gris, et qui devenait uniforme, en tout cas dont la couleur devenait uniforme sur des damiers jaunes et bleus, alors que sur des damiers noirs et blancs, il y avait une distinction de la différence de la réfraction de la lumière. Tout à fait. Mais ce que mes collègues ont montré, c'est que si on avait eu l'idée de mettre des damiers sur différents plans de l'espace, les sèches auraient effectivement discriminé le jaune du bleu. Donc c'est encore une innovation potentielle qui montre la sophistication de ces animaux. Catherine Vadon. Alors effectivement, ces changements vraiment ahurissants de couleur, ils sont dus en fait en partie à des cellules hyper spécialisées qu'on appelle les chromatophores. Et ce sont des ces cellules contiennent du pigment. Et si le pigment, elles sont extensibles. Et si le pigment est concentré à l'intérieur, au centre de la cellule, eh bien la cellule est carrément invisible. Si le petit sac, en fait, on va dire comme ça, de pigment s'étend, se dilate à l'intérieur de la cellule, eh bien la couleur du pigment, noir, jaune, brun ou autre, va devenir apparent. Et donc c'est ce jeu des chromatophores qui va, un petit peu comme les pixels d'un écran de télévision. Donc c'est cette extension ou non des chromatophores qui va donner la couleur. Ensuite, ils possèdent à l'intérieur de leur derme d'autres cellules qu'on appelle les iridophores et qui réfléchissent comme des miroirs certaines longueurs d'onde de la lumière extérieure, ce qui procure les chatoiements de bleu et de vert. Et puis d'autres cellules encore, les leucophores, donnent la composante blanche et déterminent l'éclat de la couleur réfléchie. Et c'est l'ensemble de ces trois sortes de cellules qui donnent ces couleurs absolument admirables et changeantes. Et surtout cette palette incroyable et extrêmement large. Est-ce que on comprend bien aujourd'hui, Ludovic Dickel, les réseaux et les interactions neuronales, hormonales qui permettent à la pieuvre d'avoir cette réactivité dans le camouflage que décrivait Catherine Vadon tout à l'heure? Alors, ce qu'on sait, c'est que ce qui va déterminer les couleurs, c'est le cerveau. Hein. Donc, c'est du système nerveux. C'est pas hormonal comme chez d'autres animaux. C'est vraiment le système nerveux, ce qui explique pourquoi les animaux sont capables de changer de couleur en une fraction de seconde. Ce qui nous intéresse nous en éthologie, c'est absolument fantastique de voir une seiche ou une pieuvre de prendre tout à fait la couleur du rocher sur lequel elle repose et même la texture. La couleur et la texture. La texture. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est pourquoi elles ne le font pas toutes. C'est-à-dire, c'est pas du tout un réflexe. Une pieuvre qui va se poser sur un rocher, certaines vont prendre exactement la structure du rocher, d'autres vont prendre des couleurs qui sont complètement différentes. Et ça se voit en particulier chez les juvéniles. Quand vous confrontez différents juvéniles de pieuvres ou de seiches à du sable, par exemple, certains vont prendre une couleur de sable parfaite, puis d'autres vont être foncés, d'autres plus clairs. Chez la seiche, certaines vont s'ensabler. Elles vont chacune choisir un petit peu une stratégie, comme si elles décidaient un petit peu d'elles-mêmes quelle couleur arborer. Et j'ai une collègue qui s'appelle Jean Ball, qui travaille à l'université de Millersville, qui a réussi chez une seiche à lui apprendre à changer de couleur après avoir reçu des récompenses. Donc vous voyez, elle est vraiment capable de modifier sa couleur presque de façon volontaire. Par de l'apprentissage donc. Par de l'apprentissage. C'est pas un mécanisme comme ça a souvent été décrit dans la littérature qui est un petit peu réflexe. C'est vraiment quelque chose dont on pense qu'il est de l'ordre du décisionnel chez l'animal. Et les nouveau-nés vont changer. Certains nouveau-nés vont être extrêmement doués pour se camoufler et d'autres beaucoup moins doués en fonction de l'expérience qu'ils auront eue là encore quand ils étaient tout petits. Ce qu'il faut préciser aussi, parce qu'on a parlé on a parlé du système nerveux central, il faut préciser que le système nerveux central de la pieuvre ne contient qu'un tiers des neurones que la pieuvre possède en entier. Heureusement. Oui. Heureusement. Parce que le petit souci des pieuvres et des seiches, c'est qu'il y a un très très grand nombre d'informations qui leur parviennent, notamment des bras. Si vous regardez juste la quantité d'informations qui parvient d'une seule ventouse, c'est la ventouse va toucher, la ventouse va goûter tout ce qu'elle touche. Donc de chaque ventouse parvient une quantité absolument considérable d'informations. Donc imaginez les centaines de ventouses que l'animal contient. Donc tout ça, il faut que ça soit filtré avant de parvenir au cerveau. Le cerveau va prendre des décisions, il va être un petit peu en haut de la hiérarchie. Mais avant lui, il y a tout un tas de structures nerveuses qui vont filtrer les informations, qui ne vont faire passer que les informations qui sont pertinentes ou qui sont importantes jusqu'au cerveau. Donc le système nerveux est très très délocalisé chez les céphalopodes. C'est comme ça que ça fonctionne. Catherine Vadon. Alors c'est vrai, pour rebondir sur l'expression de prise de décision, on peut citer une petite pieuvre indonésienne qu'on appelle la mimique pieuvre. qui est mimétique. Et elle a été découverte il y a seulement une quinzaine d'années. C'est une petite pieuvre qui fait à peu près 15 cm et qui, là aussi, vit sur ces milieux très intéressants que sont le détroit de Lambay, sur du sable. Et comme c'est effectivement, comme on l'a dit, très dangereux de progresser sur ces fonds sans abri, eh bien, elle a mis au point quelque chose assez extraordinaire, puisqu'elle imite en fait d'autres espèces qui sont dangereuses et qui vivent dans le même environnement. Et en positionnant ses bras et en aplatissant son corps, elle va par exemple ressembler à un poisson plat venimeux. Elle peut s'enfouir dans le sable et ne laisser sortir qu'un bras qu'elle va tortiller. On peut penser que ça peut faire penser à un serpent marin venimeux. Elle peut imiter de cette façon 15 espèces d'animaux dangereux. Donc là, s'il s'agit bien d'une prise de décision, c'est-à-dire que face à une situation de danger, face à un prédateur approchant, elle va décider, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais elle va choisir voilà, de mimer telle ou telle espèce, et ceci en se contorsionnant et là aussi en une fraction de seconde. Donc on va essayer de vous trouver des vidéos de cette petite pieuvre de Lambay à mettre sur le fil Twitter. Ludovic Dickel, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre ? Oui, ce sont des comportements qui sont absolument fantastiques. Par rapport à ces prises de décision, c'est intéressant parce qu'il y a des collègues qui ont travaillé sur le choix de différentes stratégies pour se cacher de différents prédateurs. Et Carrie Langridge, par exemple, a montré, c'est une Anglaise, elle a montré que la sèche, elle a utilisé différentes stratégies de défense et différentes couleurs en fonction du prédateur qui la menace. Donc quand c'est des gros prédateurs, elle va essayer de se camoufler. Quand ce sont des petits prédateurs, elle va essayer de les intimider. Donc on voit très bien des sèches ou des pieuvres d'ailleurs qui vont dessiner comme des yeux sur leur dos pour imiter la tête d'un gros poisson par exemple. Donc Carrie Langridge a montré ça. Il y a des collègues récemment qui ont montré que du côté de la sèche, les sèches sont capables de camouflage. De se camoufler, d'imiter la couleur, d'imiter la structure du fond, mais aussi de se camoufler électriquement. C'est-à-dire que, notamment, lorsque les prédateurs sont des requins, je pense que ma collègue connaît bien le sujet, les requins vont détecter leur proie, notamment à partir de signaux électriques. Eh bien, lorsque les sèches sont menacées par des requins, elles vont se camoufler électriquement, c'est-à-dire qu'elles vont fermer toutes les écoutilles, elles vont faire ce qu'on appelle du freezing, elles vont rester complètement immobiles, et leur trace électrique va complètement disparaître dans l'environnement. Donc, vous voyez, c'est effectivement un phénomène de choix. Alors, je ne sais pas si c'est de la décision, mais c'est vraiment un phénomène de choix de l'animal et d'adaptation de l'animal. Voilà une bonne méthode pour se protéger des requins. Je veux dire. Récupérer le pouvoir de la pieuvre pour que les humains se protègent des requins. Un mot tout de même pour conclure sur cette cognition sensorielle très avancée des céphalopodes, sur la notion de toucher, et je l'évoquais tout à l'heure, Ludovic Dickel, c'est important quand on a 8 bras avec des ventouses d'être capable de discriminer très vite et très rapidement le soi du non-soi. Or, c'est une des capacités cognitives importantes aussi chez les céphalopodes et chez la pieuvre en particulier. On se pose des questions, on ne sait pas bien. Les collègues qui ont travaillé là-dessus, c'est une équipe de Jérusalem qui a travaillé sur le sujet, qui a montré effectivement que l'animal n'allait pas se comporter vis-à-vis de son bras, un animal ne va pas se comporter vis-à-vis de son bras comme vis-à-vis du bras d'un congénère. Même quand le bras a été coupé. Alors l'expérience est un petit peu cruelle, mais effectivement, elle ne va pas manger son bras, par exemple, comme elle le ferait avec le bras d'un congénère. Sachant que la plupart des temps, les bras sont en mesure de repousser, pas tout le temps, mais souvent. Oui, mais c'est quand même pas très sympa pour la pieuvre comme expérience. Mais il a montré que cette reconnaissance était plutôt chimique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de compatibilité, ou plutôt d'incompatibilité chimique, entre le comportement trophique de l'animal, la faim qu'il a, et puis c'est des parties de son corps. Mais je ne sais pas si on peut faire rentrer ça dans le cadre de la conscience de soi. Ou, je ne sais pas. Release the Kraken! La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h45, plus qu'un petit quart d'heure dans cette émission où nous évoquons les céphalopodes en général et les pieuvres en particulier. Vous avez entendu un extrait où l'on parle de relâcher le kraken, parce que c'est vrai que il y a autour des céphalopodes un imaginaire depuis très longtemps. On en trouve des traces chez Aristote dans la littérature médiévale de la crainte que suscitent ces animaux. Les pieuvres sont plutôt, Catherine Vadon, des animaux peureux, plutôt paresseux dans l'ensemble, pas du tout agressif et assez pacifique. Et très pacifique, on les voit quand on les côtoie en plongée, il n'y a aucune agressivité effectivement de leur part. Mais c'est vrai que ces animaux ont suscité bien des craintes, et quand on remonte aux vieilles croyances scandinaves, ces vieilles légendes scandinaves du Moyen-Âge, eh bien il était souvent question de cette bête extraordinaire qui surgissait du fond et qui, avec ses bras plein de ventouses, et bien faisait couler les bateaux et leurs équipages au fond de l'eau. Et c'est le thème qu'a repris Victor Hugo, par exemple, évidemment dans Vimy sous les mers, et bien d'autres fois. C'est vrai qu'il reste, il demeure un mystère sur ces formes des grandes profondeurs. On les aperçoit, on peut les filmer de façon furtive, mais on ne les connaît pas. Et la dimension gigantesque de certaines de ces espèces peut laisser effectivement rêveur et peut laisser l'ouverture à plein de d'imaginaires. Il y a un calmar géant qui a été filmé au Japon il n'y a pas très longtemps. On en avait trouvé un échoué, et là il y en a un qui a réussi à filmer dans les profondeurs assez importantes. Exactement, l'essentiel de nos connaissances en ce qui concerne les calmars colossaux et les calmars géants, eh bien c'est provient d'animaux échoués, et une équipe japonaise a pu effectivement, grâce à des appâts qui ont été positionnés sous la surface, à filmer furtivement un de ces calmars géants, mais on connaît très très peu. On sait les dimensions colossales de leurs ventouses dont on retrouve les traces sur la peau des cachalots. On sait qu'un œil peut mesurer un enjoliveur de voiture. Bon, ça c'est des choses qu'on connaît bien, mais c'est vrai que le fonctionnement, la biologie reste tout à fait parcellaire. J'aimerais qu'on parle aussi d'une autre découverte assez récente, puisque on l'a dit, hein, les pieuvres sont a priori des animaux solitaires qui vivent donc sur des générations successives et non superposées. Or, on a été découvert il y a quelques semaines un village de pieuvres qu'on a appelé Octlantis, avec apparemment des pieuvres vivant en communauté, une structure sociale. Votre réaction à cette annonce, Ludovic Dickel? Cette annonce est quand même assez ancienne, puisque la première description qui avait été faite de vie en communauté par les pieuvres, je crois que c'est dans l'ouvrage de Jacques-Yves Cousteau, hein, la fin d'un malentendu, donc qui date des années 70, où il avait décrit des endroits de Méditerranée qu'il avait appelé Poulpeville. Donc ça n'a pas été repris, mais c'est assez ambigu et paradoxal, parce que à la fois c'est un animal qui a toujours été considéré comme solitaire, à la fois il y a certains résultats scientifiques, notamment dans les années 80, il y a mon collègue Graziano Fiorito de 90, Graziano Fiorito qui avait montré pour la première fois chez la pieuvre des capacités d'apprentissage par observation, c'est-à-dire que il a montré qu'une pieuvre qui est placée dans un aquarium, qui est démonstratrice, quand on lui apprend quelque chose, qu'on la soumet à une autre pieuvre qui est observatrice, l'observatrice va réaliser cet apprentissage plus rapidement après avoir observé sa congénère. Donc on sait qu'il y a une influence sociale sur notamment sur l'apprentissage, donc ça avait fait beaucoup de buzz à l'époque, mais les travaux n'avaient pas été vraiment repris parce que la communauté scientifique vraiment continue à considérer la pieuvre comme très solitaire. Et puis cette récente mise à jour ou remise à jour de l'existence de ces villages de pieuvres a semblé aller dans le sens plutôt de mon collègue italien. Alors c'est pas que des villages de pieuvres, c'est pas simplement des pieuvres qui choisissent de partager un endroit, enfin qui partagent un endroit commun, mais il y a vraiment des interactions, c'est-à-dire probablement des phénomènes de communication. De sélection des populations qui vivent à l'intérieur de cette communauté. C'est ça, c'est vraiment des interactions entre les individus, donc ça semblerait plaider vers une sorte de vie sociale peut-être embryonnaire chez cet animal-là. Ça a été un problème pour nous, hein, qui travaillons un petit peu sur l'intelligence, parce que l'intelligence a toujours été associée chez l'animal aux comportements sociaux. Tous les animaux auxquels on pense quand on pense à intelligence sont des animaux sociaux, les oiseaux, les insectes, les mammifères. Et chez la pieuvre, on voit un animal intelligent et solitaire, ça correspond pas trop à l'archétype de l'intelligence qu'on a chez l'animal ou chez l'humain. Et là, on commence à se rendre compte qu'il y a peut-être un petit peu de comportement social et de régulation sociale dans l'émergence de l'intelligence. Catherine Vadon, un début d'intelligence sociale chez la pieuvre ? Mais cette vie ensemble, en groupe, chez les calmars par exemple, c'est très extrêmement développé. C'est des animaux qui sont pas très loin des pieuvres, voilà. Mais je pense que au-delà de ce que mon collègue effectivement explique, je pense qu'il y a une méconnaissance aussi, tout simplement des fonds marins et même des fonds pas très profonds, et que les observations en fait sont assez parcellaires, manquent. Et c'est vrai que Cousteau avait observé, avait parlé de ces rassemblements de poulpes dont on nous redonne des descriptions là en ce moment au large de l'Australie. Mais je pense qu'il y a vraiment une humilité à avoir au niveau du manque d'informations. Tout à fait. Vous êtes d'accord, Ludovic Dickel? Ah oui. C'est-à-dire qu'il faut plus d'expéditions, il faut plus de plongées, il faut plus de recensements. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux connaître ces populations et pour mieux connaître leur comportement? Je pense qu'on a fait, je dis pas qu'on a fait le tour sur les travaux de laboratoire, il faut encore développer ces pistes de recherche, mais on manque beaucoup de données sur le comportement de l'animal en milieu naturel, ça c'est clair. Parce que peut-être que la pieuvre n'est pas, enfin en tout cas, les pieuvres, en règle générale, ne sont pas considérées comme des espèces en danger, donc ce sont des espèces qui sont moins étudiées, Catherine Vadon, que les espèces qui sont plus menacées, vous pensez ? Oui, peut-être. Et puis, c'est vrai que les moyens de recherche de la recherche scientifique sont pas infinis, et que il y a tout un domaine de recherche qui s'ouvre sur les domaines profonds, et qu'il y a maintenant, on se trouve entre zéro et 11 000 mètres de profondeur, à essayer d'observer, à essayer de comprendre, à essayer d'analyser. Et je dirais qu'il y a presque, sur cette gamme de profondeur, voilà, peut-être une dispersion aussi des moyens de mieux connaître. On a pu observer par exemple des pieuvres des profondeurs qui, en guise d'encre, lâchent au contraire, à l'inverse, un mucus bioluminescent pour effrayer ces prédateurs. Voilà, quand on vit dans le noir, de lâcher une encre noire, ça sert vraiment à rien, donc elles ont développé à la fois de la bioluminescence, c'est-à-dire une réaction qui dégage de la lumière, et en fait on s'aperçoit que l'essentiel des animaux qui vivent dans la zone obscure, eh bien, émettent de la lumière pour communiquer, pour trouver de la nourriture, pour trouver un partenaire, pour s'échapper d'une situation difficile. Et les pieuvres profondes n'échappent pas justement à ce schéma et vont émettre un mucus bioluminescent le temps de pouvoir s'échapper d'une situation difficile. Un mot pour dans les quelques minutes pour terminer, pour conclure cette émission, Ludovic Dickel. Le génome de la pieuvre a été séquencé il y a assez peu de temps, en 2015, et il y a eu quelques surprises à la clé du côté génétique, notamment sur le nombre de gènes codants pour des protéines qui est très très surprenamment élevé chez la pieuvre. Oui, on a fait le parallèle. Alors, je suis pas du tout expert dans la matière. Je pense que ma collègue sera beaucoup plus à même que moi pour répondre à cette question. Mais on a fait le parallèle entre la structuration du génome de la pieuvre et le fait qu'elle ait une histoire évolutive qui est quand même extrêmement ancienne. Et puis, vous l'avez sans doute compris, une diversité, une rapidité probablement d'adaptation et de capacité d'adaptation morphologique, physiologique et comportementale. Donc, c'est peut-être ce qui fait la spécificité du génome de la pieuvre. 33 000 gènes codants pour des protéines contre 25 000 chez l'être humain. Donc, ça veut dire que la pieuvre a plus de gènes codants pour des protéines que nous, Catherine Vadon ? Oui, certainement. Certainement. Je voulais revenir sur une spécificité de ces animaux. C'est ils ont un pigment sanguin bleu qu'on appelle l'hémocyanine, qui est transporteur d'oxygène. Et on s'est demandé comment ces pieuvres peuvent s'adapter autant aux eaux froides à moins 1,8 degrés Celsius en Antarctique ou bien à 30 degrés en eau tropicale. Et on s'est aperçu qu'il y avait des modifications génétiques très très infimes de cette hémocyanine, donc de forme d'hémocyanine qui permettent une meilleure oxygénation, donc quel que soit l'eau dans laquelle elle se trouve. Donc voilà, c'est un aspect qui est aussi très très intéressant. Pour conclure, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que ce que l'on apprend, ce que l'on vient de décrire sur l'intelligence, sur les alors l'intelligence, c'est toujours difficile de parler d'intelligence en éthologie, mais sur les facultés cognitives, en tout cas des pieuvres, des céphalopodes, va conduire à réviser, à revoir ce que l'on pense et les facultés cognitives d'autres formes d'invertébrés. Je rappelle, à titre d'exemple, que la directive européenne de 2013 sur l'expérimentation animale classe les céphalopodes au même titre que les mammifères et les primates. C'est-à-dire que les expérimentations que l'on peut faire en laboratoire sur eux sont extrêmement contrôlées, contrairement à d'autres invertébrés, Ludovic Dickel. Oui. Alors ça, c'est quelque chose qui est au centre de nos préoccupations, parce que c'est les, enfin, nos préoccupations. C'est une bonne nouvelle que ces animaux soient classés comme les vertébrés au niveau de la réglementation sur le bien-être. Ce sont les seuls invertébrés, et je pense qu'il y en aura d'autres après eux. Et vraiment, c'est une porte qui s'est entrouverte. Simplement, c'est le législateur qui nous dit qu'il existe peut-être une autre forme d'intelligence que la nôtre et qu'elle peut aussi faire de l'animal un être sensible à la douleur. Et il y a des travaux actuellement, notamment ceux de Jennifer Matter, ceux de David Edelman, sur la conscience de l'animal. Nous-mêmes, nous travaillons en recherche sur l'émotion. Donc, chez des mollusques, sont quand même des cousins des moules et des huîtres, faut pas l'oublier. Donc, tout ça sont des éléments dont les gens ont conscience, peut-être plus que le chercheur d'ailleurs. Catherine Vadon. Oui, certainement. Et je parlerai presque par des observations, oui, de sensibilité, on pourrait presque dire, chez ces animaux, et qui éveille effectivement notre conscience par rapport à notre comportement. Vous pensez à quel type d'invertébrés, par exemple? Non, mais les pieuvres, tout particulièrement. Ludovic Dickel, oui. Au niveau de la réglementation, on entend parler quand même pas mal des abeilles. En ce moment, on entend parler des crustacés, des capodes, les crabes, etc. Il y aura d'autres invertébrés qui vont être inclus dans la réglementation. C'est une révolution dans la relation de l'homme à l'animal actuellement, qu'on est en train de vivre. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous renvoie d'ailleurs à l'émission que nous avions consacrée il y a une quinzaine de jours, dont on va vous mettre le lien sur le site Twitter, consacrée précisément à l'expérimentation animale. Mille merci à tous les deux. Merci Ludovic Dickel. Merci Catherine Vadon. Merci à nos camarades de France Bleu Normandie à Caen pour le duplex. Catherine Vadon, si vous voulez aller plus loin, on peut certainement trouver encore votre livre chez Belin, Pieuvre, Sèche, Calmar, de captivantes créatures. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Céline Lezen, Antoine Beauchamp, Hugo Bartholomé, Eve Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, Inès Debrune à la technique, Victor Buton au droit d'auteur.